France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Après la beauté du geste et la mort ou l'expérience de l'impensable, de la musique au silence. Titre de la troisième émission consacrée par Raphaël Antoven à Vladimir Jankélévitch. Émission qui commencera, ou presque, par une description éclairante, sinon exhaustive, de l'appartement du philosophe. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, de la musique au silence. Vladimir Jankélévitch, de la musique au silence. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Parce que vous avez la gentillesse de me permettre de jouer ce que j'ai envie de jouer, je vais vous jouer trois petites pièces de Scriabine, et je les jouerai à reculons, en commençant par la dernière, la plus hardie, et en terminant par la première, la plus proche de Chopin. Il y a deux bibliothèques dans l'appartement du Quai aux Fleurs chez Vladimir et Lucienne Jankélévitch. La première juxtapose, dans un désordre apparent, les œuvres de Dostoïevski, de Saint-François de Sales, de Chestov, de Fénelon, de Bossuet, des nihilistes russes, de Pascal, Cicéron, Mayakovsky, Plutarque, Pouchkine, Molière, Lermontov, Scholem, Stendhal et tant d'autres. Mais la pièce d'à côté est une salle de musique, sans tourne-disque. Du fatras léger qui recouvre le grand piano de bois blanc émerge un buste, Ravel, et le plâtre de la main de Louis Aubert. Derrière la chaise du pianiste, sur le chevalet, on trouve une photo de Debussy, une autre d'Albéniz. La petite cheminée de marbre, un peu kitsch, est entourée d'étagères remplies de partitions. Le philosophe possédait certes autant de disques que de livres, mais le bestiaire musical de Jankélévitch est un jardin clos, peuplé entre autres des disques rarissimes qu'il achetait aux marchands de musique, dont il croisait la route en se rendant à la Sorbonne, et qui s'étend, pour faire vite, de Chopin à Béla Bartok. Autrement dit, du début des romantiques jusqu'à la première moitié du XXe siècle. L'observateur attentif y trouvera 45 compositeurs français, 24 russes, 10 espagnols, 5 italiens, 5 tchèques, 3 hongrois, 2 polonais, 2 américains et 1 belge, enfin 6 autrichiens et 10 allemands, dont les deux Richard, Wagner et Strauss, qu'il détestait une fois pour toutes. Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre que derrière cette anarchie joyeuse, les deux bibliothèques sont en réalité gouvernées par l'ordre intime des affinités électives, et que la loi instinctive, mystérieuse du cœur de Vladimir l'emporte largement sur l'ordre intelligent et collectif de l'alphabet. Telle est la musique, qui porte dans un même élan, sans mot dire, les contradictions insurmontables aux esprits rigides. La musique, c'est non seulement la moitié de la vie de Jankélévitch, mais c'en est aussi le cœur. Il arrive un moment, disait-il, où le philosophe doit retourner à la musique. De fait, le penseur était musicien dans l'âme. Il ne se contentait pas de penser la musique, il pensait musicalement. Vladimir Jankélévitch n'était pas seulement un musicologue hors pair, c'était aussi un philosophe mélodieux. Avant de penser la musique, il pensait en musique, avec improvisation, polyphonie et même parfois quelques fausses notes. C'est pourquoi j'ai choisi pour en parler d'inviter aujourd'hui deux philosophes et un musicien. Guy Sacre, vous êtes compositeur, vous étiez l'ami de Vladimir Jankélévitch et vous êtes en particulier l'auteur d'une encyclopédie de la musique de piano publiée chez Robert Laffont. Bernard Sève, philosophe et professeur de philosophie en Cagne au lycée Louis-le-Grand à Paris, Vous venez de publier au Seuil un livre intitulé « L'altération musicale ». Enfin, Clément Rosset, vous êtes philosophe et l'auteur de nombreux ouvrages décisifs, mais vous étiez aussi et surtout très proche de Vladimir Jankélévitch. Alors, Vladimir Jankélévitch était-il philosophe et musicien, ou bien musicien avant d'être philosophe ? Tout ce que je peux dire, c'est que je suis le sujet des deux verbes. Je fais de la musique, je fais de la philosophie, ou bien je fais ni l'un ni l'autre, j'en sais rien, ou je crois en faire. En tout cas, il y a des raisons pour lesquelles je fais l'un ou l'autre, l'un et l'autre, et non pas pour faire la philosophie de la musique, mais parce que la musique étant un art du temps, n'est-ce pas, ce développement dans le temps, et étant par conséquent évasive, fondante, diffluente, et par conséquent controversable, douteuse, partage le sort de la philosophie. Elle est contestable, beaucoup de gens ne consentent pas à son existence, se demandent pourquoi on en fait d'ailleurs, estiment que c'est un passe-temps qui n'en vaut pas la peine. Et le côté précaire, le sort précaire, le destin précaire, c'est un destin commun à la philosophie et à la musique. Moi je suis surtout sensible à la musique que j'entends, Robert Maggiori, dans ce que je lis de Jankélévitch. Et comme je le lis quand même depuis très très très longtemps, c'est quelque chose que j'ai peine à avouer parce que c'est proche du ridicule. Il m'arrive de lire les textes de Jankélévitch avec sa voix, c'est-à-dire dans ce qu'il faisait entendre, dans ce qu'il faisait entendre de la pensée en train de naître. Ce qui est vrai, c'est que quand on aborde des problèmes ineffables, ce qu'on ne peut pas dire, exprimer par les paroles, eh bien la musique devient brusquement éloquente, comme la poésie, tout simplement. La musique est, comme la poésie, une manière de se taire. Je dirais même que c'est une forme du silence, un silence enchanté. Lorsqu'il commençait à parler avec une voix susurrante, murmurante, hein, qu'il lisait dans un petit bout de papier qui avait la largeur d'un paquet de cigarettes, et que donc était absolument illisible, cette parole enflait. Devenait de plus en plus puissante, torrentielle. On avait l'impression que dans ce torrent de mots naissait la pensée. La musique n'est pas un passe-temps pour Jankélévitch, mais un art du temps, une manière de se taire, un silence enchanté. Est-ce que ça n'est pas tout simplement un oxymore, un silence enchanté ? Comment un silence peut-il être enchanté, Clément Rosset ? Vous connaissez sûrement le mot de Giraudoux, qui aimait beaucoup Mozart, et qui disait que le silence qui suit le dernier accord ou la fin d'une pièce de Mozart, c'est encore de la musique. Je crois que nous avons entendu de la bouche de Jankélévitch quelques mots pendant que on entendait aussi la sonate en si mineur de Liszt, qui résume un peu l'essentiel du problème du rapport entre la musique et la philosophie chez Jankélévitch. Il a prononcé les mots de temps, le mystère du temps. Il a parlé du caractère évasif et aussi du caractère précaire de la musique. Mais c'est là une sorte de... Loin d'être un oxymore, au fond, ce silence enchanté. Une contradiction. Une contradiction. Il nous met sur la piste une unité profonde que sentait Jankélévitch entre le réel, insaisissable, résistant à toute analyse trop rationnel ou uniquement rationnel, c'est son côté bergsonien. Et il a, à ce sujet, une expression à propos de Fauré, dans le livre sur Fauré, mais qui, à mon avis, s'applique à toute la musique, c'est la notion de précision évasive. La musique parle, mais elle ne nous dit rien de précis, si j'ose dire. Elle est très précise, il n'y a rien de précis que la musique. Un quart de retard en moins, un quart de retard rythmique, une note à côté, c'est fichu, n'est-ce pas ? Mais en même temps, ce discours musical nous émeut, semble nous parler de l'essentiel des choses, et ne nous apprend en définitive rien, sinon qu'on est sur le bord de savoir tout, et on reste sur le bord, mais on n'a pas le temps de savoir tout. Alors, ceci rejoint des thèmes très importants de Jean-Jacques, le thème du temps, le mystère du temps, l'instant passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de le maîtriser, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de maîtrise du temps. Il y a une maîtrise du temps musical, mais qui, le temps musical n'est pas notre temps quotidien. Ça rejoint le thème aussi moral, Jean-Clévis, de l'acte adéquat, et qu'aucune doctrine morale ne peut commander, ordonner à l'avance. Donc, cette musique qui est à la fois silencieuse, là, ce langage qui finalement ne parle pas, c'est vrai aussi du langage tout court. Ce langage silencieux qu'est la musique, ce langage précaire, qui rejoint ainsi tous les thèmes fondamentaux de Jean-Clévis, est, à mon avis, l'expression d'une thèse qui, au fond, schopenhauerienne. Vous savez que Schopenhauer était le premier philosophe à accorder à la musique la place qui lui revenait, à mon avis. Ceci est un peu avant Nietzsche. Et pour Schopenhauer, la musique est un mystère, mais qui, en même temps, exprimant l'essence de la volonté indifférenciée, exprime l'essence du réel. Elle est l'avant-garde, elle est l'avancée la plus éminente du réel que nous pressentons comme tel, mais que nous ne pouvons pas déchiffrer. Alors, est-ce qu'on peut parler du réel avant le langage ? C'est la thèse de Schopenhauer. C'est la thèse de Schopenhauer, c'est la raison pour laquelle il y a un monde, il y a du réel, elle est dans la musique, mais nous ne pouvons pas lire ce message. Cet âge de Benoît me paraît avoir été certainement, enfin être très voisine des thèses générales de Jean-Clévis. Bernard Sève, est-ce que vous partagez ce sentiment de la musique comme signification non précise, ou peut-être non signification, précision sans signification, langage d'avant la parole ? Ah, j'aime beaucoup ce qu'a dit Clément Rosset, à savoir qu'effectivement il y a une très grande précision de la musique. Elle passe souvent pour un art vague, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est un art extrêmement précis, et en même temps les significations qu'elle nous délivre ne peuvent pas être traduites autrement qu'en elle-même. Et par conséquent, il y a un certain type de précision qui n'est pas accessible à la musique. Mais c'est pas un manque. C'est pas un manque du tout. Par ailleurs, sur le silence, il y a une vieille tradition philosophique qui explique que la musique trouve son point culminant dans le silence qui la suit. C'est ce que dit saint Augustin à la fin du De Musica. Et c'est une sorte de silence qui, pour moi, pensé par les philosophes, certains philosophes, vient étouffer la musique. Alors que le silence tel que le décrit, le pense Jean-Clévis à la fin de son grand livre, pour moi, la musique est ineffable. Le silence, donc, est pensé par Jean-Clévis d'abord de manière extrêmement différenciée. Il y a toutes sortes de silences. Il y a le silence avant la musique, celui qui peut-être correspond à ce monde d'avant dont la musique nous parle sans que cela puisse être dit linguistiquement. Et il y a le silence d'après la musique. Et puis il y a tous ces silences qui ont intéressé tant Jean-Clévis, qui sont dans la musique, les points d'orgue brefs, la réticence, la retenue. Bref, Jean-Clévis parle d'un silence qui ne trahit pas la musique et il musicalise le silence. Et donc ça devient un silence vibrant, toute une gamme de silences dont chacun a son point musical, voilà. Donc Guy Sac, vous partagez ce sentiment, j'imagine que le silence est un des éléments justement de la musique comme telle. Il y a le silence après, le silence avant et les silences pendant la musique. Oui, mais je dirais peut-être quelque chose d'un peu différent. Je n'aurai pas ici le langage du philosophe que je ne suis pas, que je n'ai jamais été, que je ne pourrais pas être, mais celui du musicien qui, lui, se dit qu'après tout, ces catégories, sans doute précise et précisément dite, intéresserait la musique en général, chez Jean-Clévis et chez tout amateur de musique. Or, le musicien, lui, se rend compte, en feuilletant les livres consacrés par Jean-Clévis à la musique, et parfois les livres de philosophie, qui contiennent sans cesse, dans les marges, des allusions à la musique, que ce n'est pas toute la musique qu'aimait Jean-Clévis. Et je le dis pour dire tout de suite, il me semble qu'au contraire, Jean-Clévis aimait une musique surchargée de mots. Vous pensez à Gabriel Fauré ? Non, je pense avant tout au fait que Jean-Clévis commence à parler de musique, commence à aimer la musique, mm-hmm. à partir du moment historique, c'est-à-dire les débuts du romantisme, au fond, où la musique, en effet, ce n'est plus simplement une pièce écrite dans telle tonalité, appartenant à tel numéro d'opus, mais a le droit d'avoir un titre. Le fait, par exemple, d'avoir envie de parler de la nuit, il permettra de parler de telle pièce de Schumann, de telle nocturne de Chopin. Vouloir parler de la nostalgie lui fera penser évidemment à des pièces qui portent le titre de souvenirs, de réminiscences. Cette idée que la musique puisse être en fait ce qui commence à parler quand la parole n'est pas cela, bien sûr, il le pense, il le dit, il l'écrit. Et en même temps, il aime les mots, et c'est peut-être par les mots qu'il s'est attaché à certaines musiques plus qu'à d'autres. Il est capable, bien entendu, d'échafauder très normalement cette idée que la musique doit aboutir au silence. Et d'ailleurs, il y est aidé par des gens comme Faya, comme le dernier Liszt, comme Monpoux. Et en même temps, il n'aime pas assez les musiques dissociées de toute référence à la poésie, à la pensée et donc à la philosophie aussi, pour partir ainsi simplement sur l'idée que la musique parlerait au moment où, comme on dit, le poète parle à la fin des Indes d'enfants, parlerait au moment où justement les mots ne savent plus parler. Alors ça reste tout de même contradictoire, même si la musique permet justement de déjouer ce qui semble contradictoire à l'esprit, au discours. Mais enfin, dans cet attachement simultané justement au privilège de la parole musicale sur la parole, sur le verbiage, et la juxtaposition de ça et de l'idée que les musiques ont le droit d'avoir un texte, un prétexte ou bien un titre. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous disiez du dernier Liszt. Jean Kalevitch, je crois, aimait les musiciens dont le parcours musical les achemine vers, non pas le silence, mais peut-être une forme de plus en plus épurée de musique. Effectivement, c'est le cas du dernier Liszt. Jean Kalevitch aimait à la fois, et c'est le mystère des choix de cet homme, aimait à la fois les musiques prodigues, les musiques pour lesquelles il faut des pages noires de triple et de quadruple croche, aimait les démonstrations de virtuosité verveuse, comme il les trouvait dans Iberia d'Albéniz, aimait bien entendu les études transcendantes non seulement de Liszt, mais les moins connues études transcendantes de Lyapunov, qui sont autant de pages de joie d'écrire dans la musique, de joie virtuose. Et tout autant, mais différemment, et selon un parcours qu'en effet Liszt a pu faire lui-même, les musiques de la sobriété, de la litote, de la pudeur, du choix d'une note parmi mille autres, la note que l'on écrit, que l'on arrête, un peu comme ce début de Musica Cagliada de Monpoux, où quelques notes de chant grégorien, pourrait-on dire, suffisent à exprimer une pensée musicale profonde, peut-être plus que Jean Kalevitch le dirait, cela, que ce que peut exprimer un allegro de sonate à deux thèmes. Il a ignoré le classicisme. Mozart, oh, de temps en temps, il trouvait ça tout de même. Je dis, voilà. Oui, sans plus. Bach, c'était rien. Bon. Alors ça, c'est incompréhensible, effectivement. Enfin, ça s'explique par toutes sortes de choses psychologiques, personnelles, dans lesquelles nous ne pouvons que faire des conjectures. En revanche, votre thèse, selon laquelle Jean Kalevitch aimait la musique au moment où la musique commence à pouvoir s'accommoder avec des mots, là, je serais plus réticent parce que je pense exactement le contraire. Je pense pour ma part que c'est vers la fin du XVIIIe siècle que la musique s'est affranchie des mots et est devenue une source d'expression indépendante. Pendant des siècles, la musique accompagnait une pantomime, un texte sacré, avait un sens qu'on pouvait dire en mots, avec le verbiage. Et toujours est-il que, à partir du XVIIIe siècle, la querelle des bouffons, le Chabanon, sonate que me veux-tu, n'est-ce pas, la musique se découvre comme pouvant parler toute seule et pouvant se réduire et être complète par elle-même, ne pas avoir à se raccrocher à des édifications qu'on pourrait exprimer en mots. Or, c'est précisément à partir de ce moment-là, en gros, que Jean Kalevitch aime ses musiques. Alors, il ne percevait pas, ce qui est vrai, c'est qu'il ne percevait pas que la musique de Mozart, même si elle s'appuyait sur, ou on prétendait s'appuyer sur un texte, etc., ou de Bach, etc., il ne voyait pas que c'était une musique qui était absolument indépendante de son texte, à mon avis du moins. Mais il est vrai aussi que il a commencer à aimer les musiques et les musiciens à un moment où la musique s'est émancipée et est devenue un art à part entière et un peu par Schopenhauer, des gens comme ça et puis des gens que je vous ai plutôt. C'est pourquoi il y a une espèce d'ambiguïté. Je l'explique rapidement tout de même, puisque vous me le dites. Vous pensez à l'oratorio, à la cantate, à ces grands genres du XVIIIe siècle qu'en effet Jean Kalevitch n'aime pas et dont il ne parle pas. Moi, je vous parle très simplement de la musique de piano. La musique de piano, c'est-à-dire celle à laquelle il est attaché. Et malgré tout, cet homme est avant tout un pianiste et un déchiffreur. Il disait d'ailleurs de lui-même, est-ce que c'est la musique que j'aime ou le piano? Or, la musique de piano, indiscutablement, à partir du 19e siècle, est bardée de titres. Et Liszt étant le modèle pour Jankélévitch de ce qu'est le pianisme, comme il le dit, Liszt est avant tout un homme qui inscrit des titres sur chaque page. Lorsqu'on arrive ensuite aux musiciens du 20e siècle qu'il aime, faites-moi quand même la simplicité de penser avec moi qu'aussi bien Debussy que Ravel, vous me direz pas Forêt, mais je vous dirai pourquoi pas Forêt, mais aussi bien Debussy que Ravel, que alors nous pouvons aller plus loin avec Louis Aubert, avec Gabriel Dupont, avec tous les Français qu'il cite, Dieu merci, et qu'il aime, ces gens-là mettent des titres. Debussy mettra les titres de ses préludes entre parenthèses à la fin du morceau. Mais enfin, il le met, ce titre. Et quand nous jouons Des pas sur la neige, nous savons très bien qu'il s'agit des pas sur la neige. Jankélévitch ne va pas seulement rendre compte de la musique qui se trouve dans Des pas sur la neige. Il va commenter le mot pas et il va commenter le mot neige. C'est ça ce que je voulais dire. On a l'impression que, non pas que, je n'en profite pas pour dire qu'il aime moins ses musiques pour leur musique que pour leur titre. C'est pas du tout ce que je dis. Mais j'ai l'impression que, il y a un alibi supplémentaire, si vous voulez, dans ces musiques-là. Et alors, vous me direz, il y a Chopin et Forêt qui, eux, écrivent des nocturnes et des barcaroles. Mais oui, mais Chopin écrit des nocturnes, c'est-à-dire parle de la nuit, ce qui permet à Jankélévitch de faire tout un essai sur la nuit en musique. Les barcaroles de Forêt, c'est le mystère de l'eau. Et quand il compare l'eau chez Forêt et l'eau chez Debussy, c'est bien parce que d'un côté, il a bien sûr des titres, tous les titres de la mer, tous les titres de préludes comme ou d'images comme Reflets dans l'eau, etc. D'un côté, mais de l'autre, il a le mot barcarole. Et cela lui suffira pour parler de la mobilité de Forêt et de l'immobilité de Debussy. Il a besoin de ces... Voilà ce que je voulais dire. Bernard Sèvres. La nature des titres doit être prise en considération également. Parce que effectivement, je crois que Clément Ross a raison sur un point, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on invente la musique absolue et qu'on se rallie, que beaucoup de musiciens se rallient à cette idée d'une musique qui a rompu toutes ses amarres avec le langage. Bon. Et puis des titres, il y en avait avant. Si je pense à Couperin, par exemple, chaque pièce a un titre. Oui, simplement, bien sûr. Simplement... Bien sûr, mais il dira que Chopin est un dilettante couperinien. Voilà. Simplement, les titres de Couperin sont pas très poétiques. Les petites crémières de Bagnolet, ça ne peut pas susciter l'imagination. Mais les barricades mystérieuses, ça le pourrait. Ah oui, ça bien sûr, mais ça c'est l'exception. C'est l'exception. Ça ne peut pas susciter l'imagination de Jankélévitch comme ce qu'a vu le vent d'ouest ou les pas sur la neige. Et je crois que le travail du titre vient chez Jankélévitch de ce que ce titre est porteur d'évocation. Enfin, bon. Alors que la musique du XVIIIe siècle, et même avant, dans certaines de ces musiques qui sont bardées de titres aussi, sont des titres en forme de portrait ou d'allusion ou des titres secs et qui ne peuvent pas intéresser Jankélévitch. N'oublions pas que, voilà, à la fin des fins, la musique, c'est l'ineffable. Arriver de distinguer entre l'indicible et l'ineffable. L'indicible, c'est la mort. L'ineffable, plutôt l'amour, qui est un mystère en profondeur, qui fait parler, qui met en verve. L'amour est un mystère qui met en verve, qui fait chanter, parler, danser, sauter, n'est-ce pas, qui est donc créateur. Alors, la mort est un mystère d'un genre tout à fait différent, qui nous impose, au contraire, le mutisme pesant. En général, c'est plus paradoxal de dire que la mort est inspiratrice. Elle n'est pas inspiratrice. Mais tout le monde parle de la mort parce que parler de la mort, c'est parler d'autre chose. Et par conséquent, quand on parle d'autre chose, on parle indirectement de la mort, pas seulement maintenant, mais en toutes circonstances. L'autre voix, la voix que le silence nous laisse entendre, elle s'appelle musique. Sans vaine métaphore, on peut donc dire le silence est le désert où fleurit la musique. Et la musique, cette fleur du désert, est elle-même une sorte de mystérieux silence. Réminiscence ou prophétie, la musique et le silence qui l'enveloppe sont d'ici-bas. Mais si cette voix ne nous révèle pas les secrets de l'au-delà, elle peut rappeler à l'homme le mystère dont il est porteur. Si personne n'a l'ouïe assez fine pour surprendre les messages d'outre-monde, tous entendent la romance sans parole ni signification particulière qu'on appelle musique. tous comprennent cette voix captivante où il n'y a, d'ailleurs, rien à comprendre, d'où il n'y a rien à conclure, et qui, sans parole, nous parle de notre destinée. Bernard Sèvres, est-ce qu'on peut dire que chez Vladimir Jankélévitch, la connaissance, l'acte de connaître, d'expliquer par concept, est essentiellement anti-musical? J'ai envie de prendre la question en sens inverse, à savoir la musique ne donne pas une connaissance au sens d'un système de thèse rationnellement validé, intersubjectivement partageable et déposé une fois pour toutes dans les cartons administratifs de la cité, pour parler comme Bergson. En ce sens, la musique est certainement autre chose que l'ordre de la connaissance. Maintenant, dire que la connaissance est antimusicale, ce serait peut-être tirer un peu trop Jankélévitch du côté d'un irrationalisme qui n'est pas du tout son fait, à mon avis. Je ne pense pas du tout qu'il méprisait la connaissance. Il pensait, je crois, qu'il y avait assez de gens qui s'en occupaient et que lui avait à s'occuper d'autre chose et à défendre aussi bien dans les institutions où il était, que pour lui-même déjà, parce qu'on se bat toujours aussi contre la culture qu'on porte en soi. Donc il avait à défendre les droits à la vérité de la musique, un certain type de vérité de la musique. À cette époque-là, justement, où la musique, selon mon sentiment, du moins, devient une romance sans parole, évidemment. Vers cette époque-là, une des premières thèses philosophiques sur la musique apparaît, c'est dans Leibniz, n'est-ce pas, auquel se réfère Schopenhauer. Et il n'y a pas d'opposition chez Leibniz entre la connaissance et la musique, puisque au contraire, la musique est ce qui nous fait non pas concevoir, mais sentir que le monde est le résultat d'un calcul extrêmement complexe que seul Dieu peut connaître par la connaissance des compossibles et des incompossibles, et constitue ainsi une sorte d'équation qu'aucun Einstein ne comprendra jamais, mais qui se donne sinon à comprendre, du moins à entendre. Alors, donc, il n'y a pas, non, je crois pas qu'il faille chercher d'opposition entre la musique et la rationalité. Vous savez, c'est le je ne sais quoi de Leibniz, ce sont les petites perceptions, et l'esthétique de Leibniz, je veux pas, c'est vrai que l'expression je ne sais quoi, elle est pour la première fois sur la plume de Leibniz, en français, puisqu'il écrivait en français. Enfin, tout de même, Leibniz, on veut pas parler de Leibniz indéfiniment aujourd'hui, oui. mais enfin, tout de même, Leibniz, c'est quand même un pur rationaliste, c'est quand même quelqu'un, pour qui le temps et l'espace sont des perceptions tout à fait confuses, que la mathématisation intégrale du réel est pensable, possible, en tout cas, idéalement possible, alors que pour Jankélévitch, il y a toujours un moment qui résiste et que ce qu'il décrypte peut-être, ce qu'il déchiffre ou ce qu'il entend dans son émerveillement musical, dans le cœur musical, c'est précisément ce qui ne s'explique pas. Il dit que nous avons une connaissance esthétique par sentiment du calcul, mais nous n'avons pas accès au calcul. Disons que Jankélévitch n'aurait pas admis la mathématisation. Et voilà, il était trop bergsonien et trop musical en un sens pour accepter cette. Il est plus facile en musique de s'en tirer par des points d'interrogation. On ne vous le reprochera pas. Il est facile d'aboutir à le fameux mot charme, n'est-ce pas, qui est quand même essentiel à ce qu'on pourrait appeler une philosophie de la musique chez Jankélévitch, le charme. Le charme est en effet un je ne sais quoi. Le charme n'est pas, on ne peut pas le décrire. Il n'y a pas de formule. Mais on peut l'éprouver. On peut l'éprouver à des moments différents de la musique, dans des musiques fort différentes. J'imagine que le charme, tel que Monpou l'exprime, puisqu'après tout ce titre lui est propre, n'est-ce pas, le charme au sens de sortilège, d'incantation, le charme aussi au sens de poème, comme l'aurait dit Valéry. Mais j'imagine aussi que la pièce la plus virtuose des études transcendantes, celle qui permet d'arriver à une espèce de jubilation sonore, est également un charme, mais un charme dans l'autre sens. Il n'a pas besoin d'explication. Et il n'empêche que, je vous dirais ça peut-être avec un peu d'ironie, il n'empêche que Jankélévitch est revenu à plus d'une reprise, sous sa plume, dans cette tentative quand même d'expliquer, sinon le charme, du moins le pourquoi de ce je ne sais quoi et de ce presque rien de la musique. Pourquoi avoir tant écrit, sinon pour serrer de plus près, de plus en plus ce charme et tenter de l'analyser. Et donc peut-être aussi de le faire connaître, peut-être aussi de le répandre, car l'inconnaissable et le méconnu ne lui plaisait pas. ne lui plaisait pas, mais enfin, il était quand même. Il en prenait son parti, c'est autre chose. Oui. Un parti peut-être parfois un peu avec un peu de coquetterie aussi, car j'imagine que réclamer cette espèce de jugement dernier qui fera surgir les méconnus et qui montrera, comme il le dit, un monde d'imposteurs et de pitres qu'il existait aussi des chefs-d'œuvre demeurer méconnu. Oui, c'est aussi une façon de faire connaître les choses. Mais est-ce que les imposteurs et les pitres dont vous parlez, ce ne sont pas justement les virtuoses? Parce que j'ai le sentiment que Jean Kalevitch a, avec la virtuosité, et donc avec la façon dont elle mène au charme ou dont elle le rend possible, un rapport ambivalent. La virtuosité, il en parle de temps en temps. Oui, il commence par dire le pour dans son essai sur la virtuosité. Et ensuite, il dit le contre, et il le développe beaucoup. Et ensuite, il dit, mais allez, pour quand même. Et il termine en vous montrant que si justement la virtuosité peut finir, pourquoi pour à la fin, c'est qu'elle est peut-être la dernière façon dont on peut exprimer un état poétique en musique. La virtuosité va permettre d'exprimer la magie du feu, la magie de l'eau. Toutes ces merveilles poétiques n'arrivent en fait sous la plume du compositeur que grâce à un excès de déploiement virtuose, bien compris. Feu follet de Liszt, c'est avant tout une étude de poésie. Et les études de Chopin qui n'ont pas besoin de titre, elles, Dieu merci, sont des pièces poétiques. Néanmoins, la virtuosité, tantôt ce feu d'artifice dont vous parlez, tantôt un pur artifice. Vous savez que ce mot d'artifice est un mot que nous savons tous qu'artifice n'est pas nécessairement un terme péjoratif. L'artisan est avant tout un artifexe, celui qui fait quelque chose, qui fait de l'art. Et l'artifice, c'est ce qui faisait aux yeux de Jean Kalevitch, l'état de grâce de Ravel. Ravel est un artificier dans le bon sens, non pas dans l'idée de l'horloger suisse, dans ce mot. Ils ne veulent donc pas comprendre qu'on peut être artificiel par nature. Mais voilà. Le livre n'a été écrit que pour défendre ce qu'il appelait les masques de l'artifice et l'éternel mensonge, en fait, de l'œuvre d'art. La virtuosité, c'est aussi la générosité. Il y a un lien entre les deux. Liszt le magnanime, comme disait Suarez. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup dans le traité des vertus, enfin, la partie sur l'amour et la partie sur la générosité. Ça se termine par un éloge de Liszt dans son grand traité de morale, qui fait écho à ce qu'il a écrit par ailleurs sur Liszt, en disant Liszt, le généreux, Liszt qui a donné ses idées sans. Bon, Liszt qui a transcrit tout le monde, Liszt qui cherchait pas des droits d'auteur, enfin bref. La virtuosité, la générosité, la rhapsodie, c'est-à-dire la musique et la morale, sont liés dans la personne. Oui, donner aux autres un trop-plein de notes. Vous voyez, ce sont ces attitudes un tout petit peu paradoxales qui sont passionnantes chez Jean Kalevitch. Je vous parlais tout à l'heure du langage raréfié de Monpou, n'est-ce pas ? C'est le langage de quelqu'un qui n'a plus besoin de notes pour s'exprimer. Il lui en faut le minimum. Elles lui suffiront. Il écrira 3 lignes et il aura tout dit. Un autre musicien de la contention, de la réticence, de la retenue, de la pudeur, mais aussi de la sécheresse, du coup, c'est Satie. Or, surveiller dans les écrits de Jean Kalevitch la référence à Satie. Elle est paradoxale. Parfois, Satie sera pris comme un modèle. Et parfois, ce sera un pauvre monsieur qui arrivait à agglutiner 2 ou 3 petits accords misérables. Parfois, il nous parlera du temps gnossien de Satie, c'est-à-dire de ce temps mystérieux dans lequel, justement, la musique s'arrête d'être, d'exister. Elle est suspension et elle nous attend. Et nous y plongeons et nous n'avons pas besoin de bouger. Elle est immobile. C'est les danseuses de Delphes de Debussy aussi, cette espèce de musique immobilisée au seuil du néant, au fond. Et parfois, au contraire, ce temps gnossien, ce sera le temps de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à dire. Et nous verrons, sous la même plume, c'est le paradoxe et l'ambiguïté de Jean Kalevitch, sous la même plume, nous verrons Satie passer pour simplement un monsieur qui a échoué. Les sports et divertissements de Satie sont aussi un aveu d'échec personnel. Tous les personnages de cette comédie, de cette espèce de comédie dell'arte de Satie, échouent les uns après les autres, aussi bien le flirt que le water shoot, que la partie de tennis, ce sont des échecs les uns après les autres, ponctués par l'échec même de Satie. C'est ça qui est étonnant. On peut, avec la même figure, en lisant Jean Kalevitch, ressentir deux choses tout à fait opposées, diamétralement opposées. Thank you. Alors, est-ce que selon vous, on peut parler de la musique comme d'une pure expression? Une expression qui ne se donnerait aucun objet. C'est tout à fait bon sentiment, et c'est ce que j'exprimais à propos de l'émancipation de la musique à la fin du XVIIIe. Bien qu'il y ait eu de la musique émancipée avant, bien entendu, Mozart, Bach et d'autres. Mais sous ce rapport, je crois que la musique est autosuffisante. Elle dit tout ce qu'elle a à dire, c'est une parousie, comme disent les philosophes, et tout ce qu'on peut rajouter comme mots ou sous-titres malvenus souvent, etc., ne fait que brouiller sa pureté. Sous ce rapport, je pense que Stravinsky a vu très juste, et que, enfin, les thèses qui se résument par la formule « la musique est incapable d'exprimer quoi que ce soit » est un mot qui est à la fois très juste et qui indique non pas la pauvreté, mais la richesse et la complétude, l'autocomplétude totale du langage musical. Autrement dit, la musique est trop riche pour dire quelque chose. Si vous voulez. Bernard Sèvres. Oui, je trouve que c'est un peu compliqué chez Jankélévitch. Déjà, cette question est en elle-même extrêmement complexe. Et chez Jankélévitch, elle n'est pas forcément plus simple. Il aime bien les mots un peu rares, alors on peut aussi en les employer. Il reprend la distinction de Schelling entre totégorique et allégorique. Et il dit la musique n'est pas allégorique, c'est-à-dire renvoyant quelque chose d'extérieur à elle, mais elle est totégorique, c'est-à-dire elle ne renvoie qu'à elle-même. Bon, c'est des mots un peu précieux, mais ça fait aussi partie du style de Jankélévitch. Et de ce point de vue-là, si la musique ne parle que d'elle-même, ou plutôt si la musique nous renvoie un ordre qui est un ordre sensible, signifiant, mais qui ne se traduit pas par le langage. C'est vrai que l'attention de Jankélévitch au titre et sa volonté quand même de chercher dans la musique des éclairages sur les paradoxes, l'ironie, l'humoresque, toute une sensibilité complexe de l'homme par rapport au monde, toute cette entreprise de Jankélévitch devient un petit peu énigmatique. Si effectivement la musique est une, non pas une construction abstraite, mais enfin un organisme vivant, mais qui trouve en lui-même cet organisme sa fin. Et donc il y a aussi chez Jankélévitch la certitude, la conviction, et déjà la conviction physique du pianiste qu'il était, parce qu'il ne faut jamais oublier, Guy Sacre l'a rappelé, que c'était un déchiffreur, un interprète. Il y a donc toute une chair de la musique, et ce côté charnu de la musique se retrouve aussi, je crois, dans l'écriture même de Jankélévitch. Et par là, la musique sort d'elle-même. Elle ne peut pas rester enfermée dans une signification purement immanente. Elle fait signe vers quelque chose d'autres. Et donc, il y a une certaine ambiguïté dans cette question de l'expression de la musique. C'est le problème fondamental de la musique. Ce qui est certain, comme vous le dites, c'est Jankélévitch était pianiste. Il y a beaucoup de philosophes qui parlent de ce qu'ils ignorent. Jankélévitch lui poussait l'honnêteté jusqu'à interpréter les morceaux dont il parlait. Comment suis-je arrivé à la musique ? Moi, j'ai toujours vécu dedans. Ma sœur était conservatoire, a eu le premier prix il y a longtemps. Et j'ai entendu ma sœur travailler, des choses qui sont restées dans mon souvenir depuis mon enfance, que j'entends encore dans ma mémoire. Puis après, j'ai eu une tante qui était du conservatoire de Saint-Pétersbourg et qui a habité avec nous en France après l'émigration, ou avant même, et qui m'avait appris les premiers linéaments du piano. Alors elle me tapait sur les doigts, d'ailleurs, pour me dire « articule, articule ». Elle avait des traditions du conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui était très célèbre, c'était le conservatoire de Glazounov. Et alors j'ai un peu travaillé avec elle, puis après j'ai jamais travaillé, parce que j'ai d'autres occupations. Et j'ai lu, voilà, je lis de la musique. Probablement peut-être comme vous. Enfin, je suis un lecteur, essentiellement lecteur. Alors, je regarde pas mes doigts, je regarde la musique qui est écrite. C'est la façon de faire de la musique de ceux qui sont lecteurs, n'est-ce pas, de regarder ce qui est écrit. Et alors, ce que je fais de mieux, c'est de déchiffrer. Mais alors, je joue la 20e fois comme la première, aussi mal. Je ne fais jamais de progrès. Pour revenir sur ce que vous disiez, vous dites qu'il y a cette ambiguïté chez Jankélévitch, une expression qui exprime quelque chose et en même temps trop vaste pour exprimer quelque chose. Bon, la musique chez Jankélévitch correspond souvent à des émotions précises. Par exemple, il dit à propos du 13e Nocturne de Forêt, dans lequel l'artiste décrit sa propre vieillesse, il dit « avoir connu tour à tour l'angoisse, l'espérance et la désespérance, la lassitude infinie et l'acquiescement de la sagesse ». C'est très précis. Non seulement la musique est précise, mais enfin là, le propos de la musique, selon lui, est précis. Guy Sacre. Mais, écoutez, moi, je continuerai à dire ce que je pense, c'est-à-dire... Il me semble. L'ennui, en fait, c'est que nous sommes tous tentés de tirer Jean Kédévitch à nous, parce que nous l'aimons. Il me semble que, peu importe ce que nous pensons, nous, de la musique, chacun de nous pense quelque chose, et je suis persuadé que cette façon de voir la musique n'est pas très facile à partager. Il me semble qu'il faut en rester à Jean Kédévitch même. Je suis le premier à penser qu'il me suffit de savoir que le premier prélude de Bach est écrit en ut, et il n'a même pas besoin d'avoir un numéro, il n'a pas de titre. Il n'empêche que Jean Kédévitch a... Enfin, coupons-le en deux. Disons qu'il y a un Jean Kédévitch qui, en effet, fera de la musique comme on fait de la musique pure. Bon, il mettra... Je n'aime pas le mot musique pure, c'est une chose un peu incongrue. La musique ne peut pas être pure, elle est impure, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été, tout ce que nous vivons. Mais peu importe. Il mettra sa partition, il jouera la pièce, et en effet, au fond, il n'aura pas besoin d'exprimer à partir de cette pièce quoi que ce soit. Il y aura le plaisir immédiat de la pièce. Le plaisir. Ou la douleur. Mais il y a aussi le Jean Kédévitch qui veut vous expliquer pourquoi la mort est une chose épouvantable et en même temps extraordinaire. Pourquoi la souvenance, le souvenir, la réminiscence d'un moment, d'un printemps qui revient. Pourquoi l'enfant, avant de s'endormir, se chante à lui-même une berceuse parce que personne d'autre ne la lui chante. Il a besoin, à ce moment-là, de faire venir la musique à lui. Dans un passage, tout d'un coup, d'un livre philosophique, arrêté tout d'un coup sur des considérations impossibles à nouer. Eh bien, la mort de Mélisande sera prise comme prétexte, réellement. Et là, vous n'allez pas me dire que dans le courant du livre, il vous fera d'abord écouter la musique. Non, il vous parlera de la mort de Mélisande. Il citera les mots. Une chose est étonnante, c'est que peu à peu, on s'aperçoit que ce ne sont même pas les titres dont je parlais tout à l'heure qui l'intéressent, mais parfois même les mots des poètes. C'est-à-dire que la musique n'y est presque pour rien. Il cite extraordinairement, vraiment, tout le temps, hein, la chanson d'Ève. C'est-à-dire ce recueil de mélodies de forêt sur des vers de Van Lerberg. Personne ne lit plus jamais Van Lerberg aujourd'hui. Quand il cite la chanson d'Ève, quand il cite le paradis de la chanson d'Ève, qu'il compare à l'hymne Paradisum de Requiem, par exemple, on n'a plus l'impression qu'il parle de musique. S'intéresse aux mots même. Lorsqu'il dira « Dans le vieux parc, solitaire et glacé », il ne pensera pas à la musique, il pensera au vers de Verlaine. Et à la limite, ça aurait pu être un vers de sa main, lui qui n'aime pas sa main puisqu'il l'appelle un Verlaine des sous-préfectures. Il sera capable de citer sa main parce qu'à un moment précis, il aura besoin des trois mots de sa main, merveilleusement rimés, qui tout d'un coup vont avec son propos. Il n'aime pas particulièrement Victor Hugo, mais « Tout passe, l'espace s'efface, le bruit », mais 10 fois peut-être, dans des endroits très différents de son œuvre. À propos de quoi ? Mais parce que tout d'un coup, on ne peut rien dire d'autre. Et c'est le même homme qui pourtant aimait l'anecdote, justement, de ce pianiste dont j'oublie le nom à l'instant, que vous allez me rappeler, qui était l'ami de Pasternak, qui, quand Pasternak est mort, a eu pour seule expression de sa tristesse, s'est mis au piano et voilà. a joué plusieurs jours. Il y a deux pièces extraordinaires dans la musique de piano qu'aimait Jean Kédévitch, qu'il met en rapport lui-même. Il les a mises en rapport devant moi une fois. Il y a, dans Janáček, une pièce qui s'appelle « La parole manque ». Apparemment, c'est-à-dire, là, je ne peux plus parler. Alors, écoutez. Thank you. pièce arrive. Et il y a à la fin des scènes d'enfants, la pièce que je citais tout à l'heure, le poète parle. C'est-à-dire là, vous avez 12 pièces et la 13e s'appelle Le poète parle. On a entendu la musique, maintenant on va entendre le poète. C'est étonnant, c'est contradictoire, mais c'est tout Jean Kelevitch. Et Jean Kelevitch lui-même, d'ailleurs, disait de la poésie qu'elle était, en un sens, supérieure à la musique, car elle se servait d'instruments qui étaient des instruments, en vérité, des instruments infirmes, univoques, que sont les mots. C'est-à-dire que la poésie accomplit avec des instruments ordinaires et des instruments médiocres ce que la musique accomplit avec les notes. Ce à quoi la poésie parvient avec les mots, c'est ce à quoi la musique parvient avec les notes. Et en ce sens, la poésie est peut-être même, dit-il dans quelque part dans l'inachevé, un art encore supérieur à la musique. C'est le moment où Jean Kelevitch s'intéresse plus à l'ineffable qu'à la musique. Oui. Clément Rosset. Ben, je crois qu'il faut, vous avez parfaitement raison, Guissac, de dire qu'on a toujours tendance à penser plus à soi qu'il faut tout penser à ce que pensait écrivait Jean Kelevitch. Je crois que Jean Kelevitch a été ambigu sur ce point constamment, qu'il a toujours penché vers les deux thèses, en somme, nous parlons, la thèse expressionniste et la thèse autosuffisante. Mais je crois que la musique elle-même est porteuse de ces ambiguïtés, parce qu'il faut dire, il y a une chose qu'il faut tout de même dire, c'est que si elle a ce pouvoir total d'obdi-suffisance, hein, d'autosuffisance, elle a aussi d'autres effets. Elle peut évoquer des souvenirs, elle peut, par les mots dont vous parlez, évoquer effectivement des choses du monde réel, et non pas qu'il soit uniquement musical. Pour le premier de ces pouvoirs dont je parlais, celui de rappeler des souvenirs, tout le monde le connaît, pour cela décrit de manière inoubliable. Oui, dans Un amour de Swann. Dans Un amour de Swann. Dans Un amour de Swann, effectivement, le héros Swann est bouleversé par une petite phrase de Vinteuil. Oui. Mais dans Un amour de Swann, Clément Rosset, la petite phrase de Vinteuil ne fait pas que lui rappeler son amour déçu ou son passé. Elle est cet amour et ce passé. Oui, puisqu'il ne peut vivre le présent, il ne vit pas le présent, justement. Tout le monde, même des gens qui ne sont pas très musiciens, éprouvent ce pouvoir extraordinaire, comparable à celui d'un parfum parfois, de représenter, de rendre présent à nouveau, avec une force incroyable, des choses qui remontent à 40 ans, n'est-ce pas? Ça, tout le monde le connaît. Jean Kelevitch, je le connaissais lui-même, et quand il aimait les symphonies à quatre mains. Mais alors, voyez-vous comme c'est curieux? Là, nous sommes dans un pouvoir, à mon avis, secondaire, de la musique très puissant, mais secondaire. Bien sûr. Jean Kelevitch qui avait joué, parce qu'il n'y avait pas qu'un piano, il y avait deux pianos. Il n'y en a plus qu'un. Ah, mais c'est des nouvelles. Oui, peut-être. Enfin, on a toujours connu deux pianos. Eh bien, pas moi, mais un ami, Bruno Ricuto, avait joué, déchiffré cette fameuse symphonie. Non. Et il avait remarqué qu'à la fin de ce premier mouvement, Dvorak se contente de dire pam, pam. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Il m'avait dit, vous voyez, c'est pas qu'on, oui, on sait tout, vous voyez, cette autosuffisance. Tout est dit et pourtant rien n'est dit. Me paraît aller dans le même sens que Debussy. C'est en cela que Bergson est debussiste et que Debussy est bergsonien. Et sur ce point, au moins, il y a en effet peut-être un impressionnisme bergsonien. De même que Debussy, dans La mer, fait parler la vague elle-même, et l'ouragan, le vent, les choses, et qui sont installées dans l'orchestre, et que le debussisme tout entier est cet appel des choses, de même pour le bergsonisme. Et je pensais aussi à Tolstoï. Ça paraît bizarre de faire intervenir Tolstoï là-dedans, mais Tolstoï pensait la même chose. De même que Debussy dit qu'il est bien mieux d'aller voir le coucher du soleil ou le lever du soleil que d'écouter la symphonie pastorale, ce qui est d'ailleurs mon avis. De même, Tolstoï disait qu'il est bien plus important de voir un clair de lune au Caucase que de prendre la plume et d'écrire sur ce clair de lune. C'est la chose elle-même qui importe. Mais vous savez, quand je suis lancé sur Debussy, c'est très difficile de m'arrêter. C'est l'état de mouvement perpétuel, le mouvement en soi. Le mouvement en soi. Alors l'étude pour les huit sur les degrés chromatiques, le bourdonnement continu, et les huit doigts, n'est-ce pas, qui montent et descendent sur le clavier vertigineusement, ne vont nulle part, n'est-ce pas. C'est le mouvement qui n'a pas de... On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est le mouvement en lui-même. Comme la pièce qui s'appelle Mouvement, les images pour piano, Mouvement. On ne sait pas d'où vient ce mouvement, où va ce mouvement. C'est comme le vent dans la plaine. C'est très Debussy, ça. Le vent qui vient d'on ne sait où, va on ne sait où. Le vent, la mer, qui s'agite sur place toujours, depuis l'origine des temps, et ne va nulle part. La rivière n'est pas Debussy, mais la mer l'est, parce que la mer ne va nulle part. La mer, le vent, le mouvement, mais pas le mobile, pas un promeneur. C'est ça qui est debussiste et qui est mystérieux. L'attachement que Vladimir Jankélévitch, l'attachement indéfectible qu'il porte à Debussy, lui vient peut-être du fait qu'effectivement, Debussy, dans ses œuvres, décrit un mouvement perpétuel, mais un mouvement qui ne se donne pas de but, pas de destination, à la façon un peu dont, effectivement, Bergson pouvait penser la finalité. La finalité, chez Bergson, n'était pas une façon de tendre vers un but défini, mais était ce qu'il appelait une finalité ouverte. On peut parler ici d'un mouvement qui, effectivement, ne va nulle part. Un peu, d'ailleurs, comme chez Jankélévitch, tout est en écho et en résonance, l'humour. Il préfère l'humour à l'ironie, car l'humour, c'est la langue de celui qui ne va nulle part, dit-il. Est-ce que le langage, comme la musique, chez Jankélévitch, n'ont pas tout simplement en commun de rechercher cette évidence tout de suite perdue, qui est l'évidence de la chose elle-même. Est-ce que, à défaut d'être capable d'écouter la mer, on n'a pas tout simplement composé la mer? Clément Rosset? Écoutez, moi je peux dire, c'est que il y a un point commun, bien évidemment, entre le bergsonisme de Vladimir Jankélévitch et son amour de la musique. Les deux préfèrent le flux à des entités sécables, déterminables. Il y a chez Jankélévitch l'idée de fort juste que le musicien essaye de dépasser les représentations pour en arriver aux choses mêmes, à l'évocation du vivant ou des choses. Mais voyez, pourquoi faut-il en passer par la musique pour atteindre le réel? Mais ça, alors, Chopinov répondrait que... Oui, mais Jankélévitch... Pardon, vous avez écrit, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable sur Schopenhauer, qui s'appelle Schopenhauer, philosophe de l'absurde. Oui. Néanmoins, Jankélévitch. Jankélévitch ne répond pas à la question. Je ne peux pas savoir ce qu'il aurait répondu. Il répond tantôt l'un, tantôt l'autre. Les formules sont très souvent ambiguës et à double sens. Il ne peut pas dire ceci sans tout de suite ajouter que c'est peut-être cela et le contraire, n'est-ce pas? Sur Bergson, je comprends très bien que Jankélévitch, avec tout ce que Bergson lui a apporté, et qu'il a d'ailleurs apporté à Bergson, notamment par son livre Henri Bergson, qui est toujours un livre excellent, je comprends très bien que Jankélévitch ait voulu réunir ces deux amours philosophiques et musicales, à savoir Bergson d'un côté et Debussy de l'autre. C'est peut-être un tout petit peu trompeur quand même. Bergson ne parle de Debussy qu'une fois dans une interview en disant « on a beaucoup rapproché ma pensée de celle de M. Debussy et j'ai toujours été sensible à la musique de Debussy ». Bon, mais quand Bergson parle parle d'un musicien de manière un peu détaillée dans l'évolution créatrice, c'est-à-dire assez tard, 1932, donc Debussy est déjà mort depuis longtemps, etc. Bergson ne parle pas du tout de Debussy, il parle de Beethoven, qui est le grand absent, un des grands absents. N'aimait pas. Voilà, il parle de Beethoven, l'émotion créatrice, la construction, c'est Beethoven dont parle Bergson. Bon, c'est pas du tout pour faire une mise au point qui serait tout à fait inutile, mais c'est pour dire que ce rapprochement entre Bergson et Debussy dans la pensée de Jankélévitch est un petit peu, bon, sa manière à lui de parler de Debussy, la manière dont qu'il l'aime, voilà. Je précise tout de même que il est évident que la musique dont qu'aime Bergson, et d'une manière générale, les goûts de Bergson ne sont pas du tout les goûts de Jankélévitch. Mais on peut trouver un rapprochement dans la doctrine, en revanche. Jankélévitch vient de faire allusion à Tolstoï. Il a toujours été très tourmenté. Il m'en a parlé 100 fois, je ne sais pas si à vous aussi, par la thèse de Tolstoï, qui, comme vous le savez, était très anti esthéticien, anti-esthétique, je veux dire, qui dénonçait l'art sous toutes les formes, et particulièrement la musique, qui ne sert à rien, qui nous fait perdre du temps, et pendant un temps qu'on serait mieux utilisé, non seulement aller regarder les couchers de soleil pour de vrai, mais aussi s'occuper des pauvres et de faire de la mort. La musique est anti-morale, par essence. Alors, pour quelqu'un comme Jankélévitch, passionné de morale, authenticité morale et de musique, c'était un déchirement, et il revenait toujours, et pourtant il admirait beaucoup Tolstoï, c'est vrai qu'il était admirable. Mais il mentionnait chez Tolstoï surtout ses dernières dispositions testamentaires, celles qui datent du 11 août 1908, dans lesquelles Tolstoï déclarait qu'il voulait être enterré à même la terre, sans pierre tombale, sans signe distinctif, dans l'union immédiate avec l'élément tellurique. Autrement dit, ce qu'il aimait chez Tolstoï, c'était moins, me semble-t-il, en tout cas ses écrits sur l'art, puisqu'il aimait beaucoup par ailleurs l'œuvre de Tolstoï, que c'est cette aspiration tolstoïenne au dénuement, à la pauvreté, au refus de l'intermédiaire. En tout cas, cette aspiration qui n'a jamais été satisfaite, le rêve de Tolstoï, de simplicité, de retour à la nature, il n'a jamais pu de désexualisation, etc. Il n'a jamais réussi à l'accomplir, et que ça s'est soldé par un échec malgré tout. Guy Sacre, Vladimir Jankélévitch parle fréquemment de ce qu'il appelle la zone frontière, au-delà de laquelle l'art se résorberait tout simplement dans la réalité. Est-ce à dire que finalement la musique chemine vers sa propre abolition? Lui pensait à Bartok en disant ça. Je crois que là, nous sommes même dans un cas très particulier, dans le cas d'une pièce qui, en effet, revient très souvent dans la pensée musicale de Jankélévitch. Cette pièce qui se trouve, en effet, dans la suite en plein air et qui s'appelle « Musique nocturne ». Il en parle beaucoup. Il la cite, d'ailleurs, sous son titre aussi bien français, comme nous le connaissons, « Musique nocturne », que dans son titre allemand, qui est le titre qu'on trouve sur l'édition qu'il avait lui-même, Klänge der Nacht, n'est-ce pas? C'est un cas particulier de, non pas tellement, je pense pas qu'il se pose la question, là, en termes de devenir de la musique, et donc, en termes formalistes. Ce n'est pas, on dira pas la vérité en disant que c'est une musique qui tend à l'incommunicable et à l'inexprimable. On ne dira pas la vérité en disant que c'est une musique de plus en plus, qui se dilue, où le sentiment tonal disparaît complètement. Mais on sera près de la réalité en pensant que c'est une de ces pièces capables de nous faire sentir au-delà des notes même, au-delà de la substance musicale, ce sentiment très particulier d'être soi-même dans la nature, de vivre avec les atomes, avec le frémissement des arbres, avec la respiration des insectes. C'est pour Jankélévitch le point final de la pensée nocturne. La nuit, pour Jankélévitch, commence avec le rêve d'amour listien, c'est-à-dire c'est la nuit amoureuse, confidentielle, les barcaroles sur la lagune, c'est Venise, c'est le chant sans parole, c'est le chant du gondolier aussi, c'est l'extase amoureuse, c'est l'extase langoureuse, comme dans le poème de Verlaine, et la nuit frôle le moment de la mort, c'est la nuit chopinienne, l'irruption de l'inquiétude, de la terreur, de l'abîme, la course à l'abîme qui est le final de la sonate funèbre, les scherzos de Chopin, certaines des polonaises, ce côté effrayant de la nuit, et c'est aussi le retour à une nuit primitive, une nuit de l'être le plus simple, ce qu'il appelle parfois aussi la micronature, la perception indéfini et microscopique de ce que nous sommes. C'est un parcours de la notion de la nuit chez Jankélévitch. Je pense que c'est là qu'il faut placer Bartok. Mais je ne pense pas que ça revienne à dire aimait-il les musiques en décomposition. La preuve, c'est que justement, les goûts de Jankélévitch s'arrêtent tout de même, disons, à mi-haut pour le mieux, c'est-à-dire à une bonne et franche bitonalité. Voilà. Ça, il adorait la bitonalité qui n'est jamais que le triomphe de la tonalité, on est bien d'accord. Ça n'a absolument aucun rapport avec la dilution chromatique telle que les Allemands l'ont pratiqué après Wagner, c'est-à-dire l'école de Vienne, c'est-à-dire Schoenberg, c'est-à-dire plus proche de nous, évidemment, les microtonaux, etc. Non, je pense que pour lui, la musique devait continuer à se sentir et donc avoir une harmonie, une mélodie. Jankélévitch n'a pas été plus loin que cette fin ultime de Bartok et de certaines pièces de Millau. Est-ce que vous qui avez tous les deux connu Jankélévitch très bien, ce qui n'est pas mon cas, est-ce que ça ne le dérangeait pas qu'il y ait une musique vivante, ample, puissante, qu'il n'aimait pas ? Quand on est bergsonien, on aime le réel, on aime le présent, on aime ce qui s'esquisse du futur dans le présent. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui le dérangeait philosophiquement ? Je peux vous répondre facilement. Jankélévitch a aimé Monpou à l'époque où Monpou écrivait ses pièces. Il a aimé la modernité de gens comme Monpou. Il a aimé Mihalovici à l'époque où Mihalovici composait. Nous sommes simplement à une époque où, exactement contemporain, on peut avoir un mouvement qui perpétue une certaine tradition, mais c'est également du contemporain, comme on peut avoir un mouvement qui comme Shostakovich ou Britten ou tant d'autres. Je ne pense pas que c'est être moins de son temps que d'aimer d'autres musiques qui sont aussi de son temps. Il ne faut jamais se dire, Jankélévitch n'aimait que les musiques d'autrefois. Il a connu, il célébrait Poulenc à l'époque où Poulenc était pour lui le renouveau de la musique. Le matin, un matin de printemps, comme il disait, le renouveau qu'apportait peut-être le groupe des Six après ce qu'il appelait la brume impressionniste. La musique est nocturne en soi parce qu'elle échappe aux servitudes du langage, aux interdits du discours rationnel. La succession temporelle où elle évolue est aveugle et ne peut être survolée qu'après coup. Mais précisément pour cette raison, la musique peut conduire plusieurs discours à la fois et n'est pas tenue de choisir entre eux. L'amphibolie est son régime normal et son privilège particulier. Pourquoi la musique est-elle le langage de la nostalgie, n'est-ce pas ? J'oblige personne à le penser. Pour moi, la musique, c'est cela. Toute musique, même la musique la plus tonitruante, la plus impitoyable, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui, est un tout petit peu nostalgique, se fait violence à elle-même pour ne pas l'être, mais elle est quand même, parce qu'elle est musique. Il y a bien une logique de la musique, mais cette logique ignore le principe de contradiction. La musique est un fer à l'état pur, puisqu'elle se sert de sons qui n'ont pas de signification en eux-mêmes, et qui demeure donc éternellement neuf et disponible. Aussi est-elle faite pour qu'on en joue, non pour qu'on en parle. Et pourquoi l'est-elle ? Mais parce que la musique, c'est le langage de l'indétermination. Parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens, sans nous obliger à choisir, n'est-ce pas ? Elle exprime et n'exprime pas, elle exprime des tas de choses ensemble, ou bien elle n'exprime rien, comme vous voudrez. Donc c'est une expression équivoque, multivoque, n'est-ce pas ? Et pas simple. Et par conséquent, qui ouvre la carrière, qui ouvre un horizon indéfini pour nous. Elle n'exprime jamais un ceci ou cela, n'est-ce pas ? Jamais l'un ou l'autre, mais souvent les deux ensemble. C'est le propre de la temporalité. C'est le temps qui est comme ça. Ce sont les mêmes mots qui servent à la métaphysique et au code civil, à la poésie et aux gendarmes. La musique, en revanche, ne se sert pas de mots et ne communique pas le sens. discours diffluent et diffus de par sa constitution propre, la musique n'a rien à craindre des sophismes. Elle est déjà au-delà de l'inambiguïté, de l'équivoque et de l'univoque. Elle récuse l'ultimatum brutal des dilemmes et des alternatives. Quand on parle de musique, il n'est pas nécessaire d'être cohérent dans ses goûts. Ce qui caractérise le goût musical, c'est la diversité des choses qu'on peut aimer. On a le droit d'aimer à la fois Chopin et... Wagner. Non, ça, j'y arrive pas jusque-là. Chopin et Schoenberg, pourquoi pas. On peut donc aimer des choses très diverses, et on n'est pas tenu de se justifier. Parce que la cohérence systématique et le caractère que l'on exige du discours... qui a un sens, du discours parlé, mais pas de la musique. La musique s'adresse à la diversité sensible, à la diversité sensorielle. Donc il est normal, justifié, d'aimer des choses très variées, et on n'a pas à s'expliquer pour cela. C'est comme ça. Et par exemple, entre la facture très classique de la famille de Dvorak, avec ses thèmes très traditionnels, et la forme tout à fait rhapsodique de Borodin, qui est très libre, très, beaucoup plus flottante, beaucoup plus ouverte sur l'horizon, eh bien, il y a en apparence peu de choses communes, mais probablement de l'inexplicable, ça c'est de la psychologie personnelle, c'est donc l'amour que je leur porte. Mon amour pour elles, ces choses si diverses, si opposées même, à certains égards, se rejoignent dans l'amour que je leur porte. Donc leur unité, c'est mon amour pour elles, c'est mon désir de les réentendre. C'est le goût que j'ai pour elle. La musique n'est pas logique, c'est-à-dire elle est hors contradiction, c'est pas hors jeu de contradiction. Elle n'obéit pas au principe d'identité. La musique est variation, elle est modulation, elle est essentiellement plasticité, elle est instabilité, elle est rythme. Et donc elle est différence, si vous voulez. Elle est différence généralisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne crée pas des unités, mais ces unités sont toujours plastiques. Elles sont toujours faites, puis ensuite défaites, c'est pas ? De même qu'un orchestre, les gens se réunissent, puis ensuite ils se séparent, et dans l'orchestre lui-même, il y a toujours un combat. Il y a donc une plasticité extraordinaire, et je pense que pour Jean Kelevitch, la musique et le concert, c'est véritablement un bon exemple de ce que peut être la coexistence des hommes. Les hommes ne peuvent pas parler tous ensemble. Il faut pour rendre possible un échange que leurs paroles s'attendent les unes les autres et se confrontent dans le dialogue. Mais les hommes peuvent chanter ensemble. L'harmonie associe à son gré les voix et les timbres des instruments, car l'épaisseur de la polyphonie conduit sans qu'elle se gêne plusieurs lignes de sens et les contrepointe à l'infini l'une avec l'autre. Vladimir Jankélévitch, quelque part dans l'inachevé. Alors on vient d'entendre des extraits juxtaposés de la 5e symphonie de Dvorak et de la 3e symphonie inachevée de Borodine, dont Vladimir Jankélévitch prend d'ailleurs une mesure pour la mettre en exergue de son livre d'entretien quelque part dans l'inachevé. Alors on disait tout à l'heure, Bernard Sève, que la musique est contradictoire, paradoxale, ambivalente. Vladimir Jankélévitch parle même d'amphibolie, mais tout en laissant entendre que ces contradictions ne sont insolubles en définitive que pour les dialecticiens. Le cœur musical de Vladimir Jankélévitch a ses raisons, manifestement, que la raison ignore. Et finalement, à défaut de pouvoir dire une chose et son contraire, peut-être la musique nous enseigne-t-elle qu'on peut aimer une chose et son contraire ? Oui, certainement, c'est ce qu'il dit. Mais Jankélévitch est aussi philosophe. Il ne se contente donc pas de dire « j'ai des goûts différents et éventuellement contradictoires et je les assume ». Il va un peu plus loin. Il a réfléchi sur la négation et sur le statut de la négation. Par exemple, on a indéterminé, on a inachevé et on pourrait croire que le négatif, un, marque un manque. Or, Jean Kalevitch pense tout le contraire. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Ce qui est indéterminé, en ce sens précis, bien entendu, dans l'ordre musical, ce ne serait pas vrai s'il s'agissait d'un raisonnement juridique, évidemment, mais dans l'ordre musical, ce qui est indéterminé ou inachevé, ce n'est pas du tout un manque. C'est la chose qui est, je crois, pour Jean Kalevitch, telle qu'elle doit être. Et lorsque Jean Kalevitch parle de la polyphonie, c'est rare qu'il parle de la polyphonie, à ma connaissance, et je ne crois pas qu'il soit intéressé aux grandes constructions polyphoniques franco-flamandes ou à ces choses-là. Ça ne l'intéressait pas beaucoup. Mais je trouve d'autant plus remarquable qu'il ait trouvé dans le type de musique qu'il aimait, il affiche ses goûts et il a absolument le droit et il a tout à fait raison de le faire, il a trouvé dans le type de musique qui l'intéressait lui, la rhapsodie, enfin on a déjà parlé de l'ampleur, de l'improvisation rhapsodique et de la verve généreuse et à l'opposé de la réticence et de l'exténuation du discours musical. Dans les deux cas, il trouve le même type de choses que nous offre la polyphonie classique, c'est-à-dire la pluralité des sens qui ne se contredisent pas parce qu'ils sont d'une nature non linguistique ou non référentiel, qu'ils sont d'une nature sensible, sensorielle, allusive. On ne reprend pas la discussion tout à l'heure. Et non, mais tout de même, pour contredire, il faut avoir dit. Donc ce qui ne dit pas ne peut pas se contredire. Oui, ce qui ne dit pas ne peut pas se contredire, mais la musique ne dit pas. La musique parle, mais ne dit pas. La musique parle, si on veut, elle ne dit pas. Mais la pluralité qu'il a évoquée lui-même dans le texte qu'on vient d'entendre, illustré par Brodine, cette pluralité, c'est à la fois, en effet, une certaine indétermination et c'est un surcroît de sens. Voilà. Guy Sacre, est-ce que Vladimir Jankélévitch, ça n'est pas tout simplement un rhapsode ? En tout cas, c'est quelqu'un qui aime la rhapsodie, c'est-à-dire l'art de coudre ensemble les éléments les plus hétérogènes, bien entendu. Et c'est peut-être la raison principale de son rejet de Beethoven. Ici, il a choisi Liszt, et donc le rhapsode par excellence, et c'est bien parce que il lui paraît plus agréable, en tout cas, dans l'immédiat, et plus riche de sens, de ne pas choisir directement ces éléments, de ne pas savoir d'avance l'usage qu'on en fera, de ne pas employer la technique du maçon, mon Dieu, qui met brique sur brique et qui finit par faire une sonate. Le sonateur ou sonatiste, c'est l'opposé du rhapsode. C'est-à-dire, et Beethoven le représente, bien entendu, en tout cas, il l'a pris comme représentation, et c'est un peu sa façon d'en finir d'un coup, d'un trait avec Beethoven. Le sonatiste sait d'avance ce qu'il va dire, il a imbriqué ses éléments, il les a choisis pour pouvoir s'imbriquer. Le rhapsode ne le sait pas. Le rhapsode, c'est celui qui prélude, qui improvise. S'il aime les préludes de Debussy, c'est bien parce qu'ils sont ouverts sur tout et sur rien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont, sinon, comme il le dit lui-même, des apparitions disparaissantes. Mais justement, si le prélude ne préludait à rien, si son essence même n'était pas justement le préludé en général, c'est ça le mystère musical du prélude, c'est qu'il prélude en général sans préluder à rien, n'est-ce pas ? Et qu'il n'est pas nécessaire de dire à quoi il prélude. C'est la différence entre le prélude qui est un mystère musical et l'introduction, l'avant-propos, l'avant-propos de quel propos, l'introduction à quoi, à un livre, on l'indique sur la couverture. Mais le prélude est de telle sorte qu'il n'est pas obligé de dire de quoi il est le prélude. Il est le prélude en général, et puis après tout, n'est-ce pas la vie elle-même et la musique tout entière qui est ce prélude ? Ce prélude est quelque chose qui n'adviendra jamais et qui est éternellement à l'état de prélude, dont la conclusion n'arrive jamais. Donc, à mon avis, on est digne d'être, je ne dis pas un musicien, parce que je ne suis pas plus digne que les autres, mais d'avoir accès à la musique dans la mesure où on ne demande pas de quoi le prélude est le prélude. Le temps du prélude, c'est le temps de la pensée musicale la plus courte, mais qui peut avoir chez nous des retombées infinies. Le terme d'apparition disparaissante est un terme clé dans sa philosophie. Il l'emploie beaucoup en philosophie, bien sûr. J'ai pu le lire même moi qui toute chose pas est la une apparition disparaissante, voilà. Dans la mesure où chaque chose est aussi la dernière. Mais il l'emploie beaucoup en musique et il l'emploie en particulier à propos des préludes de Debussy. Et en particulier, bien entendu, du tout dernier prélude, ce fameux feu d'artifice qui se termine par une Marseillaise qui s'effiloche au lointain. Il ne reste plus, dit-il, qu'un souvenir de la fête. Voilà. Clément Rosset, Jean Kalevitch, rhapsode, plus que sonatiste. Dans un moment, j'étais en train de rêver en vous écoutant. J'arrive plus à me rappeler, mais il me semble qu'il n'était pas tout à fait fou, Berroussel. Justement, Albert Roussel, c'est un maçon, c'est un architecte. C'est un interprète de symphonie aussi. C'est plutôt un sonatiste, plutôt qu'un... Mais il parlera, et voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les mots, il n'osera pas parler des symphonies de Roussel parce qu'elles n'offrent pas de prise, mais il parlera du jardin mouillé de Roussel, sur un poème d'Henri Drénier. Parce qu'il y a tout de même des œuvres moins solidement construites et qui tendent un peu plus vers l'impressionnisme. Il est de fait qu'il n'en parle pas beaucoup de Roussel. Mais est-ce que son amour pour la rhapsodie ou son être rhapsodique, c'est pas justement cette aptitude qu'il a de coudre ensemble des morceaux très construits comme la 5e symphonie de Dvorak et des morceaux proprement rhapsodiques justement comme la 3e symphonie inachevée de Borodine. Ça renvoie beaucoup à son propre style d'écriture, c'est surtout ça que j'aimerais dire. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que son style est fait de pièces mal rapportées ensemble, non, mais c'est tout de même le travail... Qui part d'une phrase sur une autre phrase et qui ensuite, en chemin, en se relisant, rajoutera un paragraphe, un développement. De suivre la manière dont les articles de Jean Kédévitch sont devenus peu à peu des livres et la façon dont ces livres-là se sont développés en d'autres livres, car il a réécrit sans cesse ces livres, ce qui l'a empêché d'en écrire d'autres. Il a fait 3 fois Debussy, il a fait 2 ou 3 fois Fauré. Et à chaque fois avec des développements nouveaux. C'est un art de rhapsode, bien entendu. Et même aussi, Bernard Sèvres, vous en parliez tout à l'heure, dans le Traité des Vertus, il y a 2 caractéristiques stylistiques dans le Traité des Vertus très étonnantes. La première, c'est qu'il se répète, mais en renouvelant son propos. C'est-à-dire que chaque répétition est une valeur ajoutée. C'est pas un éternel retour, mais c'est un éternel renouvellement. On pourrait dire une répétition créatrice. Et puis le deuxième aussi, qui me frappe à la lecture, ce sont les staccato, des aphorismes qui viennent s'intercaler justement entre de longs développements. Je crois que Jean Kédévitch a vraiment réussi à écrire dans l'esprit de la musique et dans la dynamique et dans l'agogique de la musique, vraiment. J'ajouterai une chose sur la rhapsodie. Je crois que dans l'amour de Jean Kédévitch pour la rhapsodie, il y a aussi peut-être quelque chose sur les racines populaires de la rhapsodie. Ça vaut aussi pour Dvorak d'ailleurs, enfin certains éléments de Dvorak en tout cas. Ça vaut pour Bartok. Enfin, beaucoup de musiciens qu'il aimait empruntent à un terreau populaire. Je suis à peu près sûr que quelque part il parle de Liszt comme du musicien prolétaire. Il avait été très intéressé par le travail de Liszt sur la musique tzigane. Et il y a une petite dimension, plutôt une grande dimension politique, même s'il est un peu confuse, un peu allusive, jamais très développé. Mais je crois que ce serait pas juste de méconnaître cette dimension-là. Il parlait aussi chez Moussorski de la vérité à bout portant. Ah oui, oui, oui. On pourrait dire ça d'ailleurs de toute musique, à mon avis. C'est une excellente formule. Mais oui, il y avait certainement du goût, enfin, pour les musiques populaires. Il aimait certainement un petit côté débraillé. Mais non, c'est un personnage très, très, très distingué, Jean Kédévitch. Très courtois, très réservé. Être débraillé et distingué. Mais oui, il avait un goût, pour une espèce de débraillé supérieur qu'on peut trouver en musique, en architecture, enfin, dans différents arts. Juste une seconde quand même. Je reviens sur ces natures généreuses. Parce que c'est vrai, dans quelque part, dans l'inachevé, il dit, alors il parle de Liszt et Moussorski à ce moment-là. Mmh. Il dit, bon, Liszt et Moussorski, il envie leur prodigalité. Oui, il les trouve généreux, formidables, oui. Etc. Bon. Et en même temps, on sent poindre derrière la description qu'il en fait une petite inquiétude, à savoir, mais c'est ils se font piller. Et il dit de lui-même d'ailleurs qu'il n'est pas capable d'une telle générosité. Mais enfin, vous deux, Guy Sacre et Clément Rosset, qu'il avait connu, c'était un homme généreux. Oui. Il n'était pas avare de lui-même. Non, du tout, non. C'est un défaut fréquent chez les universitaires, mais lui était un universitaire tout à fait particulier. Oui, c'était un universitaire dissident. Dissident, et il avait cette particularité de ne pas être radin du tout, ce qui est très rare chez les universitaires. Bon, j'aurais voulu vous poser moi-même cette question de savoir si, au fond, d'assimiler, comme nous l'avons fait tout à l'heure, l'art de Jean Kédévitch à un art rhapsodique, n'est pas une des raisons qui le rendent difficile. Car il faut quand même que nous finissions par dire cette chose-là, que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Le rhapsode et le sonatiste n'ont pas exactement le même public. Le sonatiste est rassurant. Le fabricant, le faiseur de sonates vous propose 1 ou 2 thèmes. Bien fait, qu'il va développer à satiété, vous pourrez le faire en rêvant, en fermant les yeux, vous rouvrirez les yeux 10 minutes après, on sera encore dans ce que déteste Jean Kédévitch qui s'appelle le développement, puisque justement chez Satie, ce qu'il aime, c'est l'absence de développement, le refus du développement. Et en même temps, cet art du développement, cet art de la symphonie et de la sonate, ça va ensemble, C'est un art public. Les concerts du dimanche, malgré tout, c'est Beethoven. Beethoven est le grand auteur, le favori. Que ça m'a toujours un peu frappé que Beethoven soit mis emblématiquement un peu à la porte de la bibliothèque de Jean Kiedewitch. Je ne doute pas qu'il s'y trouve par ailleurs, mais enfin, il n'était pas souvent dépoussiéré. Est-ce que ce n'est pas étonnant de la part d'un homme qui est avant tout un homme d'ouverture? Et plus simplement encore, est-ce que les goûts musicaux de Jean Kiedewitch, qui, mettons un peu à part les grands, Chopin et la Trinité française, Fauré, Debussy, Ravel, Schumann Liste, de temps en temps, le français François Liszt. François, voilà, Liszt François et pas Franz. Bon, mais cela mis à part, les 60 ou 70 noms dont vous parliez tout à l'heure sont souvent des gens tout à fait inconnus. Des gens dont on ne trouve pas les disques, que personne ne songerait à jouer, qu'on aurait du mal à faire jouer à un grand virtuose, qui préférera toujours jouer les 32 sonates, plusieurs fois dans l'année, le mois, l'heure s'il le faut, et qui ne pensera pas à ouvrir justement la maison dans les dunes de Gabriel Dupont. Comment expliquer cela? Cette espèce de jardin clos chez Jean Kiedewitch, qui est un homme de l'agora tout de même, voyez, la musique fait ce paradoxe supplémentaire chez lui. La musique le coupe en deux. Il n'avait pas les goûts de tout le monde et il n'avait pas les goûts que l'on attendrait d'un homme public. Il mettait à part la symphonie, il la refusait alors que c'est, mon Dieu, tout le monde sait ce que c'est que la 9e symphonie. Et le je ne sais pas, c'est bien ce qui a été choisi, hein, ce final, pour être l'hymne de l'Europe, il me semble. Oui, tout à fait. Non, voilà, Jean Kiedewitch dit non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est étonnant. Il y a même des injustices, d'ailleurs, quand on pense à Gustave Mahler, par exemple. Bon, c'est partie des injustices auditives de Jean Kiedewitch, quand même. Oui, on peut aller plus loin. Mais laissons Wagner de côté, oui. Parce qu'on peut toujours penser la même chose de Wagner que ce que non seulement lui pensait, mais Debussy aussi, n'est-ce pas? Les héros de carton qui doivent décliner d'abord leur carte d'identité et vous la chanter plusieurs fois de suite, on peut s'en amuser aussi. Mais on peut se poser la question pour Beethoven, on peut se poser surtout la question pour je ne sais pas, la musique qui se faisait à côté de lui aussi, n'est-ce pas? C'est un homme qui, c'est vrai, l'école de Vienne ne l'intéressait pas. Mais la symphonie ou la sonate sont pourtant les produits de la musique les plus faciles à écouler. Je nommais Mahler, non pas seulement par mouvement personnel, mais également parce que quand on s'intéresse à la rhapsodie, la construction de la symphonie de Mahler est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a aussi un enracinement dans la musique populaire, il y a quelque chose qui aurait pu attirer... La musique populaire qu'il aimait le plus, je crois, c'est l'espagnol, c'est la slave. Les recueils de Balakirev et de Liadov de chants populaires, il les jouait au piano, ce sont des chants populaires transcrits. Vous venez de dire il adorait Albéniz. Il est évident qu'Albéniz est 10 fois plus populaire que Falla, 100 fois plus populaire que Granados, qu'il aimait par ailleurs. Albéniz est avant tout, oui, un musicien en haillons et qui de ses haillons arrive encore à sortir des pistoles, oui. Mes amis sont musiciens, n'est-ce pas? Tous mes amis sont musiciens. Mihalovici, Tanzmann, Georges Migaud sont des amis que je vois souvent, que j'aime énormément, par exemple, parmi ceux que je vois le plus souvent. Enfin, ma génération privilégiée, ce que je connais le mieux, c'est l'école, ce qu'on appelle l'école de Paris, entre 37 et 39, n'est-ce pas? Philippe Lazare est mort, je ne l'ai pas connu, Rietti est aux États-Unis. Mais par contre, alors Thierry Pnine est la moitié de l'année en France. Mompou, dont j'étais en train de jouer pour nos jeunes amis, que j'aime tendrement et que j'admire, et qui vient maintenant rarement à Paris, et qui faisait partie de cette génération. Archani, je ne l'ai pas connu. Mais enfin, ceux qui sont vivants, je les connais, n'est-ce pas? Alors, c'est ma dernière question, Clément Rosset, sur le problème de la nostalgie. Il dit que la musique est essentiellement nostalgique, comme le temps, en vérité. Oui. Il dit, chaque moment musical porte à son plus haut degré ce qu'il appelle, et ce dont vous parliez tout à l'heure, Guissac, l'apparition disparaissante, à savoir que chaque instant est le premier que nous vivons de cette nature, est également le dernier. Et en cela, alors il employait un concept qu'il s'excusait d'ailleurs de présenter à ses étudiants, qui était le concept de semel factivité. Chaque moment de notre vie advient une seule fois dans l'irréversibilité du temps et ne sera plus jamais. La musique est essentiellement nostalgique, mais la musique, on peut la répéter, elle. Mais je répondrai à deux questions, excusez-moi. Mais, première objection, parfaitement, parfaitement. On attend, comme Swann attend le retour du thème. Il n'est pas moins ému quand il revient. Et la musique, on a la certitude qu'on va le réentendre Donc là, il y a un petit problème. Mais il y a aussi un autre problème très différent et qui est plus profond, c'est que Jean Kalevitch avait une conception un peu romantique de la musique, en ceci que il serait tombé d'accord avec un musicien que nous sous-estimons trop et qui est Rachmaninov, disant que la musique est fille du chagrin, n'est-ce pas ? Nostalgie, dites nostalgie si vous préférez. Mais l'essence de la musique, pour moi, c'est la réjouissance, comme il disait tout j'ai envie de même tout à l'heure de l'amour. On danse, on fait le fou, etc. Or, cette quintessence de la musique, qui, selon moi, est la joie, jamais Jean Kalevitch ne l'avait admis. Et les musiques gaies, Offenbach, bon, Mozart, Chabrier, c'était des musiques qui n'intéressaient pas du tout. Dvorak, peut-être. Dvorak, vous savez, c'est plus proche de Schumann, de Mendelssohn que de la vraie gaieté, enfin. Non, mais on va être d'accord grâce à la fameuse phrase qu'il a lue sur le clavecin de la leçon de musique de Vermeer. Cette phrase qui dit que la musique est évidemment compagne de la joie, mais elle est aussi le remède à la douleur. Laetitiae comes, d'un côté, mais elle est aussi medicina doloris. Il a souvent redit cette phrase. Terminons-en sur ce compromis. Quand on n'admet pas ses évidences, eh bien, il n'y a qu'à parler d'autre chose. Je m'en vais et je n'ai rien à expliquer. C'est pour moi l'évidence. La symphonie de Dvorak est une lumineuse, une rayonnante évidence. Et je reprends des forces chaque fois que je l'entends. Je reprends confiance dans la vie. Du goût à l'existence, je marche plus allègrement, je suis heureux. Donc je vous dois une heure de bonheur. De la musique au silence, avec la voix de Vladimir Jankélévitch et avec Clément Rosset, Guy Sacre, Bernard Sèvres, Archive Ina, Hervé et Vanon. Les textes sont lus par Isabelle Carré, Garance Clavel, Georges Kless. Le groupe de réalisation est de Marie-Christine Closet, Michel Mestre, Bernard Laniel et Jean-Michel Coquet. Une émission proposée par Raphaël Antevin. Thank you.